Les éditions de l'avenir présentent Les arènes d'Aubioche. Une aventure de Mazas Pavel, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans Basis hors série, numéro 9. Michael Cadillac dans le rôle de John Pavel. Kael dans le rôle de Danick. Fred dans le rôle du mercenaire anonyme. Mario Fecto dans le rôle du représentant de la section 1. Pierre, dans le rôle du représentant de la section 3. Christian Martin, dans le rôle du représentant de la section 2. Et à la narration. Chapitre 2, troisième partie. John Pavel abaissa son arme et se redressa lentement, les yeux fixés sur les corps sans vie de la cinquantaine de pirates qui gisaient sur le sol, près de l'entrée de l'usine de traitement des fleurs de Kilgour. L'affrontement avait été violent, mais les Cardassiens avaient rapidement pris le dessus sur leurs adversaires, malgré leur infériorité numérique. Leur professionnalisme et leur efficacité n'étaient pas une légende. Il se redressa et, d'un geste de la main, signifia à ses hommes qu'ils pouvaient quitter leur cachette. Au même moment, une violente explosion ébranla l'atmosphère, et un panache de fumée s'éleva à quelque distance, partiellement masqué par une forêt de hauts rivelles au feuillage pourpre et jaune. Un sourire satisfait éclaira le visage du mercenaire. Leur navette a sauté. Il reste des survivants. Ils pourront plus repartir. Grommela-t-il avant de s'adresser aux siens. Vous pouvez sortir. Vérifiez s'ils sont tous morts. S'il y a des blessés, amenez-les jusqu'à notre transport pour qu'on puisse les soigner. Danick, au rapport! Un mercenaire au visage couturé s'avança et salua. Commandant, nous amène deux morts et sept blessés. Des morts? Qui? Interrogea-t-il d'une voix rauque. Flint et Barenice. Le colosse baissa la tête un court instant. Les muscles de ses maxillaires se contractèrent. Malgré l'existence violente qu'il menait, la perte d'un de ses hommes lui causait chaque fois une peine profonde. Puis, il se redressa. Emmenez-les, nous les mettrons à les cellules cryogènes du Dédale pour les ramener chez nous. Quant aux blessés, sont-ils gravement atteints? De toute manière, ils repartiront avec la navette. La mission est terminée pour eux. L'ordre fut exécuté avec diligence, puis l'un des soldats de fortune revint auprès de John. Il n'y a que 5 pirates encore en vie. Soignez-les et enfermez-les. L'aîné des Pavel régla son minicom sur la fréquence générale et émit le signal d'appel. Il patienta une vingtaine de secondes et approcha l'appareil de ses lèvres. Ici John, dites-moi où vous en êtes. Section 1, à vous. Un murmure se fit entendre. Nous sommes en train d'encercler l'équipe chargée de vider les stocks de Kilgour entreposés dans la zone de fret de l'Astroport. Nous intervenons d'ici 3 minutes. Fin de message. Ici Section 2. Opération terminée. Tous les adversaires sont au tapis. Avant 2 blessés. Fin de message. Section 3, au rapport. Le chef des mercenaires cardassiens écouta attentivement les brefs comptes rendus des responsables de section et un éclair de satisfaction illumina son regard. Sur ses 20 équipes d'intervention, 17 avaient déjà mené à bien leur mission, au prix de pertes que l'on pouvait considérer comme minimes, 5 morts et une quinzaine de blessés, même si les 5 hommes tués étaient toujours de trop. Les 3 sections n'en ont encore passé à l'action, se trouvaient sur le point de refermer leur piège sur l'ennemi.